Bon bah, oh là là, de manière donc voilà. Ouais, mais père, restez quand même poli s'il vous plaît avec les gens qui vous emmerdent. Bon bah, oh là là, de manière donc voilà. Ouais, ben le mieux c'est de voler dans un sac à main. Bon bah, oh. C'est fou ce que tu dis. Ouais, attends, qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Aussi con que tes pieds. Mais c'est qui ce bouffon là qui parle? Eh, tu viens chez moi après, Gérard. Ta gueule à toi. Bon bah, oh. C'est fou ce que tu dis. Oh non, moi je réponds pas avec tes connards. T'es aussi con que tes pieds. Ouais, ben tu vas pas me casser les couilles longtemps. Ta gueule! Voilà ta gueule! Alors va te enculer, connard! Laisse ta grosse vilaine, assure un run, car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue. Oh là là! Bon, alors, Rigo, c'est mieux pas que je prie. Ouais. Retire 5 minutes ton casque, parce que là je vais m'énerver. Ah merde. Putain, tu laisses parler Rigo, toi! Putain, m'énerve, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Attends, je te jure, dégage, je ne peux plus te voir ici. Dégage, casse-toi. Ouais, mais attends, le P0, il t'emmerde, toi, connard. Bon, bah, on toi. Oh, tu te calmes, toi. Ouais, salut, c'est Sector. Salut, Sector. Ouais, j'appelle du nom. Ouais, c'est toi, salut. Oh, tu me le calmes, là. Pas de problème. Oh là, et tu me calmes, là. Il se croit où, lui? Bah, excuse-moi, j'ai la voix un peu enrouée, et puis j'ai fait l'armée, alors j'ai gardé les habitudes. Ouais, bah, tu vas te calmer un peu, hein. Ouais, ok, pas de problème. Oh, ta gueule, moi, je te le dis. Moi, je te dis, ta gueule. Moi, je te dis, ta gueule. Ouais. Bon, prends le calme. Et on va s'écouter les banquiers aux grosses poches avec Couette-moi le cul en euros. Bon bah, oh. Chanel, je sens pas bon, je ne sais pas lire, je sens le hareng. Non mais vous commencez pas, d'accord? Parce que Olivier vous a calmé, si vous continuez, de manière, on va changer les noms. Ok, c'est bon, il y a pas de problème. Non mais il y a un truc qui pourrait bien se dire. Chanel, je sens pas bon, je ne sais pas lire, je sens le hareng. Alors maintenant, je vais faire le petit sondage là qu'on m'a donné. Ouais. Non, alors, pour ou contre les maladies, ça, de manière, j'en ai marre qu'on mette des pour ou contre lors des... sur les... Non mais c'est important de demander ça aux auditeurs. Ouais, si il y a 10% qui ont répondu que la question était trop compliquée. Ben, c'est pas mal. Ça, c'est 60% des gens ont répondu, mais on ne s'en souvient plus. Et 30% des gens qui sont contre les maladies de l'éléphant qui... Alors ça, fil d'art, tu vois. Ton sondage comme ça, tu peux te le parer dans le cul et te torcher avec. Bon, bah, on...